إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Un tafsir qu'il a appelé Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan. Lors du dernier cours, on avait terminé l'exégèse de Sourate al-Hadid, le fer. Aujourd'hui, on entame l'exégèse de Sourate al-Waqi'ah, traduit par l'événement. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Donc Allah عز وجل dit dans sourate Al-Waqi'a, selon le sens, quand l'événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera, c'est-à-dire les uns, et élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite et les gens de la gauche? Que sont les gens de la gauche? Les premiers, ce sont eux qui seront les premiers. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الواقعة وهي مكية يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعها وهي القيامة التي ليس لوقعتها كاذبة أي لا شك فيها لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية ودلت عليها حكمته تعالى خافضة رافعة أي خافضة لأناس في أسفل سافلين رافعة لأناس في أعلى عليين أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب ورفعت فأسمعت البعيد إذا رجت الأرض رجا أي حركت واضطربت وبست الجبال بسا أي فتتت فكانت هباء منبثا فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وكنتم أيها الخلق أزواجا ثلاثة أي انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم وأصحاب المشأمة أي الشمال ما أصحاب المشأمة تهويل لحالهم والسابقون السابقون أولئك المقربون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم. Donc, Cheikh Saadi rahimahullah dit l'explication de Sourate Al-Waqi'a, Sourate l'événement, qui est une sourate mekwaze. Et pour rappel, la sourate mekwaze, c'est celle qui a été révélée قبل الهجرة, avant la hijra. Allah Azza wa Jalla informe dans cette sourate de la situation de cet événement qui va indéniablement arriver, qui est le jour du jugement. التي ليس لوقعتها كاذبة, un événement que nul ne traitera sa venue de mensonge, c'est-à-dire que c'est un événement qui arrivera sans aucun doute, et les preuves sont apparues et sont claires, des preuves rationnelles comme des preuves présentes dans les textes du Coran et de la Sunna, et également la sagesse divine et prouve l'arrivée inéluctable de ce jour du jugement. Khafidatun rafi'a, cet événement abaissera et élèvera, c'est-à-dire qu'il abaissera certaines personnes jusqu'aux abîmes les plus profondes, et il élèvera d'autres personnes vers les hauteurs les plus élevées. Ou l'autre sens de khafidatun rafi'ah, il élèvera et abaissera, c'est-à-dire, le jour du jugement, il y aura des voix basses qui seront entendues par ceux qui sont proches, et le jour du jugement, émettra des sons forts qui seront entendus par les lointains. إذا رجت الأرض رجا, quand la terre sera secouée violemment, c'est-à-dire quand la terre bougera et sera fortement agitée, وبست الجبال بسا, et que les montagnes seront réduites en miettes, c'est-à-dire que les montagnes seront désintégrées, فكانت هباء منبثا, et deviendront poussière éparpillée. La terre deviendra alors une terre sans montagne, ni sans chose apparente à sa surface. Elle sera une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression. Wa kuntum ayyuha al-khalq, et vous serez alors, ô vous les créatures, trois catégories. C'est-à-dire que vous vous diviserez en trois parties, en fonction des œuvres que vous aurez accomplies, des œuvres bonnes ou des œuvres mauvaises. Puis Allah Azza wa Jal explique en détail les trois catégories. Il dit, Azza wa Jal, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ceci, Allah Azza wa Jal répète, les gens de la droite, que sont les gens de la droite, pour montrer leur immense valeur et leur immense importance. Wa ashabu al-mash'amah, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ici Allah Azza wa Jalla répète que sont les gens de la gauche afin de, ou ceci en guise de menace vis-à-vis de la situation dans laquelle seront les gens de la gauche. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Et les premiers, ce sont eux qui seront les premiers, ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah. C'est-à-dire que les premiers qui auront accouru vers les bonnes actions dans cette vie d'ici-bas seront les premiers dans l'au-delà à entrer au paradis. Et ceux-là dont, et ces personnes dont la caractéristique est ainsi, à savoir qui étaient les premiers à accomplir le bien et donc les premiers à entrer au paradis, ceux-là seront les rapprochés auprès d'Allah. Dans le paradis, dans la demeure des délices et dans les plus hauts degrés, ils seront dans les plus hauts degrés, personne ne sera au-dessus d'eux. Et ces personnes citées, Allah Azza wa Jal dit « Thulathum min al-awwalin » Non. On va lire les versets suivants. ثم قال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 13 à 26 de Sourate Al-Waqi'ah, l'événement, une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés, s'y accoudant et se faisant face, parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'un vin de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les paroles « Salam, salam, paix, paix ». Cheikh Saadi, rahimahullah, dit que ceux qui ont été cités, à savoir ceux qui auront été les premiers et qui seront les premiers, ceux qui ont été les premiers à avoir accompli les bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, et qui seront les premiers à accéder au paradis, et qui seront les rapprochés d'Allah Azzawajal, sont une multitude d'élus parmi les premières générations. C'est-à-dire que ces personnes seront une multitude des personnes qui nous ont précédés de cette communauté ou des communautés précédentes. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ et un petit nombre parmi les dernières générations. قَالَ شَيْخُ سَعْدِي وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مُتَأَخِّرِيهَا لِكَوْنِ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَكْثَرَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُقَرَّبُونَ هُمْ خَوَاصُ الْخَلْقِ. شَيْخُ سَعْدِي dit: et cela prouve le mérite des premières personnes de cette génération, qu'ils sont meilleurs que ceux qui les ont suivis par la suite. Car les rapprochés d'Allah Azzawajal, Allah Azzawajal dit, ils seront une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernière. Donc les rapprochés d'Allah, les plus nombreux, feront partie de la première génération ou de ceux qui vont venir après? De la première. Thullatun min al-awwalin, c'est-à-dire une multitude des premières générations, وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ, et un petit nombre des dernières générations. Et Cheikh Saadi dit, cela prouve que les premières générations sont meilleures que les générations qui vont les suivre. Car les rapprochés d'Allah, le plus grand nombre de ces rapprochés d'Allah feront partie des premières générations de cette communauté. ثم قال رحمه الله على سرر موضونة أي مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي الزينة التي لا يعلمها إلا الله متكئين عليها أي على تلك السرر جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار متقابلين وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم. Puis Allah Azza wa Jal dit, على سرر موضونة, sur des lits ornés. Ils seront au paradis sur des lits ornés, c'est-à-dire sur des lits qui seront ornés et incrustés d'or et d'argent, de perles et de pierres précieuses, et tout autre bijou bellissime, des choses que seul Allah Azza wa Jal connaît la description précise. Muttaki'in alayha, ils s'y accoudront, s'y accoudant, c'est-à-dire sur ces lits. Ils seront ainsi installés de façon apaisée, ils y trouveront et ils y connaîtront la tranquillité et wastiqrar, et ils seront dans cette situation de façon durable. Mutaqabilin, se faisant face, c'est-à-dire que le visage des gens du paradis se feront face les uns les autres, de par la pureté de leur cœur, de par la beauté de leur comportement, et ceci parce que leurs cœurs se rejoignent. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, circuleront des garçons éternellement purs. C'est-à-dire que des garçons éternellement purs circuleront entre les gens du paradis. Ils seront à leur service et subviendront à leurs besoins. Ce seront des garçons en bas âge qui seront extrêmement beaux et d'une grande élégance. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Tur. Ils sont semblables à des perles bien conservées, c'est-à-dire à des perles cachées qui ne seront pas modifiées. Ils ont été créés pour l'éternité. Ils ne connaîtront donc aucun changement ni aucun vieillissement. Ils n'augmenteront pas en âge et ils circuleront entre les gens du paradis avec les récipients dans lesquels ils boiront. Bi akwab, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, avec des coupes. Wa hiya allati la ura laha. قال الشيخ سعدي, j'ai pas lu en arabe, je traduis directement, j'ai pas lu. قال الشيخ سعدي رحمه الله, يطوف عليهم ولدان مخلدون, أي يدور على أهل الجنة للخدمة وقضاء حوائجهم ولدان صغار الأسنان في غاية الحسن والبهاء كأنهم لؤلؤ مكنون, أي مستور لا يناله ما يغيره, مخلوقون للبقاء والخلد, لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم ويدورون عليهم بآنية شرابهم بأكواب وهي التي لا عرى لها وأباريق الأواني التي لها عرى وكأس من معين أي من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها لا يصدعون عنها أي لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ينزفون، أي لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والحاصل أن جميع ما في الجنة من أنواع النعيم الموجود جنسه في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة، كما قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا. Donc ici, Cheikh Saadi rahimahullah explique le 17e verset et les versets suivants. Circuleront des garçons éternellement jeunes, c'est-à-dire qu'ils circuleront, comme on l'a dit précédemment, entre les gens du paradis, étant en leur service et subvenant à leurs besoins. Ce seront des garçons de jeune âge qui seront extrêmement beaux et d'une grande élégance. Ils sont comparables à des perles bien conservées, c'est-à-dire cachées. Ils ne connaîtront ni modification ni changement. Ils ont été créés pour l'éternité. Ils ne connaîtront donc ni modification ni vieillissement. Leur âge n'augmenteront pas. Ils circuleront entre les gens du paradis avec les récipients dans lesquels les gens du paradis boiront. Et Allah Azza wa Jal dit « bi'akwab » avec des coupes, c'est-à-dire les récipients qui n'ont pas de anse. Qu'est-ce qu'une anse ? Qu'est-ce qu'une anse ? Une poignée. Les récipients qui n'ont pas de poignée. Pour cela que, cela a été traduit par coupe. Car une coupe, un verre en forme de coupe, c'est un verre qui n'a pas de poignée que l'on prend directement. Wa abariq. Et des aiguillères. Et les aiguillères, ce sont des récipients qui ont une anse, une poignée. Et d'autres savants, donc ici, Cheikh Saadi dit que al-abariq, les aiguillères, ce sont des récipients dans lesquels il y a une poignée. Et d'autres savants ont rajouté un bec. Les récipients qui ont un poignet et une poignée à foine et un bec. Et un verre rempli de vin de source. C'est-à-dire qu'ils serviront aux gens du paradis du vin extrêmement délicieux qui ne comporte aucun mal. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « La yusadda'una anha » qui ne leur provoquera ni maux de tête. C'est-à-dire que les gens du paradis, lorsqu'ils boiront ce vin délicieux, ils n'auront pas de maux de tête, comme le vin de cette vie d'ici-bas provoque des maux de tête pour celui qui en boit. Wala hum anha yunzifun, ni étourdissement. C'est-à-dire que ce vin ne provoquera non plus aucun étourdissement, comme c'est le cas pour le vin mondain de cette vie d'ici-bas. Et comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ceci est une parenthèse, le vin d'ici-bas provoque quatre choses. La première, les maux de tête. La deuxième, l'étourdissement. La troisième, l'ivresse. La quatrième, le vomissement. Et le vin du paradis ne provoquera aucun effet secondaire indésirable. Pour cela que Cheikh Saadi rahimahullah dit, et de façon générale, tout ce qu'il y a au paradis comme forme de délice dont Al-jinn, c'est-à-dire dont le genre est présent dans cette vie d'ici-bas, ne connaîtra aucun mal. Est-ce qu'il y a des délices au paradis dont le genre est présent sur terre? Oui ou non? Est-ce qu'au paradis, il y a des fruits? Est-ce que sur la terre, il y a des fruits? Oui. Mais les fruits du paradis ne provoquent aucun effet secondaire indésirable que provoqueraient certains fruits de cette vie d'ici-bas. Est-ce qu'au paradis, il y a du lait? Oui. Est-ce qu'en dans cette vie d'ici-bas, il y a du lait? Oui. Mais le lait du paradis ne provoque aucun effet indésirable que provoquerait le lait d'ici-bas. C'est pour ça que Achir Saadi dit que toutes les formes de délices qu'il y a au paradis, dont le genre est présent également dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ce délice du paradis est exempté de tout mal et de tout effet secondaire indésirable. Comme l'a dit Allah Azzawajal dans Sourate Muhammad, verset 15, il y a au paradis des ruisseaux d'eau jamais malodorante et des ruisseaux de lait au goût inaltérable et des ruisseaux de vin délicieux à boire et des ruisseaux de miel purifié. Et Allah Azza wa Jal a cité dans ce verset de Al-Waqi'ah le vin du paradis et le fait qu'il est exempt de tout mal qui est présent dans le vin mondain. فما قال الشيخ السعدي رحمه الله وفاكهة مما يتخيرون أي مهما تخيروا وراق فيه وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى اللذيذ حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه ولحم طير مما يشتهون أي من كل صنف من الطيور يشتهونه ومن أي جنس ومن أي جنس من لحمه أرادوا وإن شاءوا مشويا أو طبيخا أو غير ذلك وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أي ولهم حور عين والحوراء التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء والعين حسان الأعين وضخامها وحسن العين في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها كأمثال اللؤلؤ المكنون أي كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي المستور عن الأعين والريح والشمس الذي يكون لونه من أحسن الألوان الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر وذلك النعيم المعد لهم جزاء بما كانوا يعملون فكما حسنت منهم الأعمال أحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal wa fakihatin mimma yatakhayyarun et des fruits de leur choix. C'est-à-dire que quel que soit ce qu'ils choisiront comme fruit, quel que soit le fruit qui leur plaira, le fruit que désirera leur personne, parmi les formes et les sortes de fruits onctueux et délicieux, eh bien, cela leur sera accordé de la façon la plus complète et la plus parfaite. Puis Allah Azza wa Jalla dit « وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ » et toutes sortes de chairs d'oiseaux qu'ils désirent, c'est-à-dire quel que soit le type d'oiseau qu'ils aiment, dont ils aiment la chair, quel que soit la viande qu'ils désirent, qu'ils la désirent cuite au charbon ou cuisinée ou de toute autre façon. وَحُورٌ عِينَ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ ils auront les houris aux yeux grands et beaux comme des perles conservées. C'est-à-dire qu'ils auront الْحُورُ الْعِينَ Et Al-Hawra, c'est celle qui a les yeux noirs et élégants, des yeux beaux et resplendissants. Wal-Ain, c'est celle qui a des yeux beaux et grands. Et nul doute que la beauté des yeux chez une fille, chez une femme, est l'une des preuves les plus grandes de sa beauté et de son élégance. كأمثال اللؤلؤ المكنون, comme des perles conservées, c'est-à-dire qu'elles sont comme des perles blanches purifiées et merveilleuses, qui sont à l'abri des regards des vents et du soleil, dont la couleur fait partie des couleurs les plus belles, qui ne comportent aucun défaut. Ainsi sont les houris. Elles ne comportent aucun défaut. Leur description est parfaite et leurs qualificatifs sont les plus beaux. Quel que soit ce que tu contemples des houris, tu ne trouveras que ce qui te réjouira. Et cela plaît à celui qui les contemple. Et ces délices et ces bienfaits ont été préparés pour eux, jaza'an bima kanu ya'maloun, en récompense pour ce qu'ils faisaient. De la même façon qu'ils ont été bienfaisants dans leurs actions, Allah Azza wa Jal fait en sorte de les rétribuer de la meilleure des façons et met à leur disposition la réussite et les délices. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما أي إلا كلاما طيبا نعم أي لا يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغي ولا يكون فيه فائدة ولا كلاما يؤثم صاحبه إلا قيلا سلاما سلاما أي إلا كلاما طيبا وذلك لأنها دار الطيبين ولا يكون فيها إلا كل طيب وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما بينهم وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس وأسلمه من كل لغو وإثم نسأل الله من فضله. Puis le Cheikh Saadi rahimahullah dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, ils n'y entendront ni futilité ni blasphème. C'est-à-dire qu'ils n'entendront pas dans le paradis, dans la terre des délices, ils n'entendront aucune parole inutile, ni aucune parole qui n'a pas de bénéfice, ni aucune parole qui pourrait incriminer celui qui la prononce. Illa qilan salaman salama, mais ils y entendront uniquement salaman salama, paix, paix. C'est-à-dire, ils n'y entendront que des paroles bonnes, car c'est la demeure des bons et ne s'y trouve que le bon. Ceci est une preuve également du bon comportement dont seront dotés les gens du paradis dans leur façon de parler entre eux et qu'ils prononceront entre eux les meilleures des paroles, les paroles qui réjouissent les cœurs, des paroles qui sont dénuées de toute futilité et de tout mal. Nous demandons à Allah de nous accorder ses bienfaits. ثم قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 27 à 40 de Sourate Al-Waqi'a l'événement. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. قال شيخ السعدي رحمه الله ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أي شأنهم عظيم وحالهم جسيم في سدر مخضود أي مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة مجعول مكان ذلك الثمر الطيب وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه وطلح منضود والطلح معروف وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي وماء مسكوب أي كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أي متعسرة على مبتغيها بل هي على الدوام موجودة وجناها قريب يناله العبد على أي حال يكون وفرش مرفوعة أي مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيما وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. Il dit rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal cite les délices des gens de la droite. Et il dit Azza wa Jal et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ceci pour montrer leur grande valeur et leur agréable situation. Fi sidrin makhdud, ils seront parmi des jujubiers sans épines. C'est-à-dire que les épines de ces jujubiers seront coupés, de même que seront coupées les mauvaises branches qui nuisent. Et à la place, il y aura ce fruit délicieux. Quel est le fruit du jujubier? Quel est le fruit du jujubier? On parle beaucoup du jujubier pour ses feuilles, mais pas pour son fruit. Le fruit du jujubier, c'est le jujube. Le jujube, c'est un fruit qui... Mais en tout cas, c'est un fruit qui ressemble aux pommes. Quand on le voit, on a l'impression que c'est une pomme. Et c'est un fruit qu'il y a en France, dans le sud de la France, et il y a aussi dans les pays du Maghreb, en Algérie, au Maroc, il y a le jujube. Et donc, Allah Azza wa Jal... Cheikh Saadi rahimahullah dit que les jujubiers du paradis, leurs épines seront... Et le jujubier, c'est un arbre à épines. Il y a plusieurs sortes de jujubiers, mais la plupart, ce sont des arbres avec des épines. Donc les jujubiers du paradis, leurs épines seront coupées, leurs branches, leurs mauvaises branches seront également coupées et à la place... ils seront placés ces fruits, les jujubes délicieux. Et Cheikh Saadi dit, parmi les particularités du jujubier, le fait que ce soit un arbre qui procure une ombre et c'est un arbre dans lequel ou auprès duquel le corps y trouve sérénité. وَطَلْحِمْ مَنْدُودٍ et parmi des bananiers au régime bien fourni. Et At-Talh, c'est le bananier. Et c'est un arbre connu qui pousse souvent en campagne et dont ou sur lesquels s'empilent ces bananes, sur les branches sur lesquelles s'empilent ces bananes délicieuses et appétissantes. Wa ma'in maskoub, et une eau coulant continuellement. C'est-à-dire qu'ils auront là-bas de nombreuses sources, de nombreuses rivières et des points d'eau jaillissantes. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ, et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus. C'est-à-dire que les fruits du paradis ne sont pas comme les fruits de cette vie d'ici-bas. Car les fruits de cette vie d'ici-bas s'interrompent en fonction des saisons. Et ainsi, celui qui veut un fruit en hiver alors que ce fruit n'est cueilli qu'en été, eh bien c'est un fruit qu'il va difficilement pouvoir obtenir. Or, les fruits du paradis sont disponibles tout le temps. Et ces fruits sont à la portée du serviteur, quelle que soit sa situation et quelle que soit sa position. Wa furushin marfu'a, sur des lits surélevés, c'est-à-dire que les lits des gens du paradis seront élevés et ces lits seront incrustés de soie, d'or, de perles et d'autres choses qui ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله إنا أنشأناهن إن شاء, أي إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال كما أن كونهن عربا أترابا ملازم لهن في كل حال والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبتها فهي التي إن تكلمت سبت العقول وود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا وإن برزت من محل إلى آخر ملأت ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونورا ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع والأتراب التي على سن واحدة 33 سنة التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب فنساؤهن عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات لا يحزن ولا يحزن بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار لأصحاب اليمين أي معدات لهم مهيئات ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي هذا القسم من أصحاب اليمين عدد كبير من الأولين وعدد كثير من الآخرين. Puis Cheikh Saadi rahimahullah explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna ansha'nahunna insha'a, et nous les avons créés à la perfection. Et c'est nous qui les avons créés à la perfection. C'est-à-dire, c'est nous qui avons créé les femmes des gens du paradis. Nous les avons créées d'une façon différente de leur création dans cette vie d'ici-bas. leur création dans l'au-delà est une création parfaite qui ne connaît aucune fin. فجعلناهن أبكارا et nous les avons faites vierges, les petites comme les grandes. Et ceci englobe à la fois les Hour'in, mais également les femmes des habitants de la terre. Et que cette caractéristique, à savoir le fait d'être vierge, mulazimun lahun, elles le seront à tout moment. Elles seront tout le temps vierges. De la même façon, كما أن كونهن عربا أترابا, de la même façon qu'elles seront toujours gracieuses et toutes de même âge. Ceci sera leur caractéristique à tout moment et dans toutes les situations. والعروب, Allah عز وجل dit عربا أترابا, gracieuses et toutes de même âge. Et Cheikh Moussaidi explique, Al-Urub, c'est la femme qui est aimée de son mari, de par ses belles paroles, de par ses bonnes manières, de par sa beauté et l'amour qu'elle a pour lui. Lorsqu'elle parle, elle enchante et séduit, et celui qui l'entend parler espère que ses paroles ne s'arrêtent jamais. Surtout, lorsqu'elles se mettent à chanter avec leur voix mélodieuse. Et lorsqu'ils regardent son comportement et ses bonnes manières, eh bien cela remplit le cœur de son mari de joie et de bonheur. Et lorsqu'elles se déplacent d'un endroit à un autre, elles remplissent ces endroits de cette bonne odeur et de lumière. Et ceci, inclut également les câlineries au moment des rapports. والأتراب, عربا أترابا, c'est celles qui ont un seul et même âge, à savoir 33 ans. Et c'est ce qui est le mieux, c'est ce qui est le plus convoité, et c'est la fin de l'âge de la jeunesse. Ainsi, les gens, les femmes des gens du paradis seront gracieuses et toutes du même âge. Elles seront satisfaites et satisferont. Elles ne seront pas tristes et ne rendront pas tristes. Elles seront un bonheur. Elles seront la prunelle des yeux, les ashab al-yamin, pour les gens de la droite. C'est-à-dire que ces femmes ont été préparées pour les gens de la droite. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. C'est-à-dire que cette catégorie des gens de la droite constitueront une multitude d'êtres parmi une multitude d'élus parmi les premières générations et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Contrairement à Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun, Allah Azza wa Jalla a dit, et seront une multitude de la première génération et un petit nombre de la grande génération. Mais ces gens de la droite qui bénéficieront de ces délices du paradis qu'Allah Azza wa Jal a décrit de façon précise, qui en bénéficiera? Une multitude des premières générations et une multitude des dernières générations. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nous en fassions partie. On va continuer, inshallah wa ta'ala, les versets 41 à 48. Thumma qala ta'ala, وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Donc Allah عز وجل dit en sourate Al-Waqi'a, l'événement, dans les versets 41 à 48, selon le sens. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, qui ne sera ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, et disaient, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos anciens ancêtres. قال الشيخ السعدي رحمه الله المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به فأخبر أنهم في سموم أي ريح حارة من حر نار جهنم يأخذ بأنفاسهم وتقلقهم أشد القلق وحميم أي ماء حار يقطع أمعاءهم وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه لأن نفي الضد إثبات لضده ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها فألهاهم الأمل عن إحسان العمل فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه وكانوا يصرون على الحنث العظيم أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندمون عليها بل يصرون على ما يسخط مولاهم فقدموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادا لوقوعه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما هذا من المحال إن أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. Donc, Cheikh Oussadi, rahimahullah, dit « Ce qui est voulu par les gens de la gauche, ce sont les gens, les habitants de l'enfer et ceux qui ont commis des actes réprimandables. Allah Azzawajal a cité leur châtiment et ce qu'ils méritent. Il a informé, Allah Azzawajal a informé qu'ils seront au milieu d'un souffle brûlant, c'est-à-dire au milieu d'un vent chaud, brûlant, qui est chauffé par le feu de Jahannam, qui les empêchera de respirer, un feu qui les dérangera énormément. Wahamim est une eau bouillante, c'est-à-dire une eau extrêmement chaude qui déchirera leurs entrailles. Wazillim miyahmum et ils seront à l'ombre d'une fumée noire, c'est-à-dire une fumée, c'est-à-dire le feu de l'enfer mélangé à de la fumée. La baridim wa la karim, une ombre ni fraîche ni douce. C'est-à-dire qu'ils n'y connaîtront là-bas ni fraîcheur ni douceur. C'est-à-dire qu'ils connaîtront les soucis, le chagrin, la tristesse, le mal et le dépit. Ils ne connaîtront aucun bien en enfer, car le fait de nier une chose revient à attester de son contraire. Nier une chose revient à attester de son contraire. Allah Azza wa Jalla dit la baridin wa la karim, ils n'y connaîtront ni fraîcheur ni douceur. Autrement dit, ils connaîtront le contraire, à savoir tristesse, chagrin, dépit, mal et chaleur extrême, entre vent extrêmement brûlant et eau bouillante. Puis Allah Azza wa Jal a cité les actes qui les ont amenés à subir ce châtiment. Il dit Azza wa Jal, إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. Ils vivaient auparavant dans le luxe, c'est-à-dire qu'ils ont été distraits par cette vie d'ici-bas. Ils n'ont œuvré que pour celle-ci. Ils ont profité de ces bienfaits mondains. Et cela, ils ont été distraits par l'espoir. Ils ont été distraits par l'espoir. L'espoir de connaître la rectitude, l'espoir d'adorer Allah par la suite, l'espoir de pouvoir devenir vertueux par la suite. Et ainsi sont ceux qui sont dupés par cette vie d'ici-bas, ils sont dupés par l'espoir. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils espèrent prochainement, dans un futur proche, eh bien, revenir sur la droiture. Ainsi, ils se disent, je vais profiter un temps court, mais je ne perds pas espoir de pouvoir adorer Allah Azza wa Jal comme il se faut par la suite. Et ainsi de suite, les jours passent, les mois passent, les années passent, et la mort vient frapper subitement. Ils ont donc été distraits par l'espoir, et cela les a empêchés de commettre et de faire de bonnes œuvres. C'est ce luxe et cette forme de luxe qu'Allah Azza wa Jal a réprimandé, et c'est ce luxe qu'Allah Azza wa Jal leur reproche. Quant à celui qui est riche, mais qui adore Allah Azza wa Jal, c'est une chose recommandée. Le professeur Assam a dit « Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabu ila Allahi min al-mu'mini al-da'if » Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et quand on dit croyant fort, c'est croyant fort dans sa force physique, mais également dans ses biens, etc. etc. « Wa kanu yusirruna ala al-hinth al-azim » Il persistait dans le grand péché. C'est-à-dire qu'il faisait les grands péchés, ne se repentait pas de ses grands péchés, ne regrettait pas de les avoir commis, et il persistait dans ce qui provoquait la colère d'Allah Azza wa Jal. Ils se sont alors présentés devant Allah Azza wa Jal avec ces multitudes de péchés qui ne sont pas pardonnés. De même qu'ils reniaient la résurrection, et ils disaient, pour montrer que c'était une chose invraisemblable, quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos ancêtres ? C'est-à-dire, comment serons-nous ressuscités après notre mort, alors que nous serons ossements, alors que nous serons poussière ? Ceci est une chose impossible. Serons-nous ressuscités ainsi que nos ancêtres ? ثم قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 49 à 57 de Sourate Al-Waqi'ah, dit ô Muhammad, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Donc ici, Allah Azza wa Jal dit à son prophète Sallallahu Alaihi Wasallam de répondre à ces personnes qui disaient « Quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos anciens ancêtres ?» dit, c'est-à-dire au Muhammad, « En vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés, qui traitiez, c'est-à-dire la résurrection de mensonges, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum. Vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. Et c'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas, c'est-à-dire à la résurrection ?» قال الشيخ السعدي رحمه الله قال تعالى جوابا لهم وردا عليهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون لطريق الردى المكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والوعد والوعيد لآكلون من شجر من زقوم وهو أقبح الأشجار وأخسها وأنتنها ريحا وأبشعها منظرا فمالئون منها البطون والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وأما شرابهم فهو بئس الشراب وهو أنهم يشربون على هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الإبل الهيم أي العطاش التي قد اشتد عطشها أو أن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شراب الماء هذا الطعام والشراب نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله لأوليائه قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, puis Allah Azza wa Jal leur répond en disant, dis ô Muhammad, en vérité les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. C'est-à-dire que les premiers, les premières parmi les premières créatures, ainsi que les dernières, l'ensemble sera ressuscité par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal les réunira dans un moment connu qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné pour ses serviteurs. Lorsque les créatures connaîtront leur fin et lorsqu'Allah Azza wa Jal voudra les rétribuer selon les œuvres qu'ils ont accomplies dans cette vie d'ici-bas. ثم إنكم أيها الضالون et puis vous les égarés, vous qui vous êtes égarés du chemin de la droiture, vous qui avez suivi le mauvais chemin, al-mukadhibun qui traitiez de mensonges, c'est-à-dire qui traitiez de mensonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vérité avec laquelle il est venu, vous qui traitiez de mensonge les promesses et les châtiments. La'akiluna min shajarin min zaqoum, vous mangerez d'un arbre de zaqoum qui est l'arbre le plus mauvais, l'arbre le plus humilié, qui est l'arbre dont émane l'odeur la plus nauséabonde et l'arbre qui a l'apparence la plus terrifiante. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, vous vous en remplirez le ventre. Et ce qui les obligera à manger de cet arbre, malgré son apparence terrifiante, ce sera la faim insupportable qui châtiera leur estomac et qui déchirera presque leur cœur. Et cette nourriture par laquelle ils voudront lutter contre la faim est en réalité une nourriture qui ni elle n'engraisse, ni elle n'apaise la faim. Quant à leur boisson, quelle mauvaise boisson! Ils boiront par-dessus cette nourriture de l'eau bouillante qui bourra dans leur ventre, et ils boiront comme le chameau assoiffé. Un chameau assoiffé qui ingurgite des quantités impressionnantes d'eau. Combien boit un chameau d'eau, Sahraoui? Ça peut être des centaines de litres d'eau. Un chameau peut boire des centaines de litres d'eau. Et Al-Him, l'autre explication, donc soit c'est Shurb Al-Him. Al-Him, soit c'est le chameau assoiffé, ou soit c'est le chameau qui est atteint d'une maladie qui fait en sorte qu'il n'est pas rassasié par l'eau qu'il boit. Qui n'est pas rassasié par l'eau qu'il boit ainsi. Il boit sans que sa soif ne soit apaisée. Ceci, c'est-à-dire cette nourriture et cette boisson, sera le repas d'accueil qui leur sera servi le jour de la rétribution. Et c'est un repas d'accueil qu'ils se sont servis à eux-mêmes, car ils ont préféré ce repas d'accueil devant le repas ou l'accueil qu'Allah Azzawajal réserve à ses alliés. Allah Azzawajal dit dans Sourate Al-Kahf, ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, ils auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront sans désirer de changement. Ils y demeureront éternellement sans désirer de changement. Puis Allah Azzawajal a cité la preuve rationnelle de la résurrection. Et il dit Azzawajal, « Nahnu khalaqnakum, falawla tusaddiqun, c'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas, c'est-à-dire à la résurrection ? C'est-à-dire, c'est nous qui vous avons créé avant, après que vous étiez néant. Et nous vous avons créé sans difficulté ni fatigue. Celui qui a la capacité, subhanahu wa ta'ala, de créer un être humain de néant, n'est-il pas capable de faire revivre un mort? Bien sûr, car il est capable de toute chose, subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'Allah Azzawajal leur a reproché le fait qu'ils ne croient pas en la résurrection, alors qu'ils voient de leurs propres yeux ce qui est bien plus immense et ce qui est bien plus parlant que le fait de faire revivre un mort. Le fait qu'eux existent et qu'ils aient existé du néant. Cela est beaucoup plus difficile à faire que de ressusciter un mort. Or, c'est une chose qu'ils voient de leurs propres yeux et qu'ils constatent et qu'ils constatent par leur propre personne. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.